je me la fais pas livrer. Elle et moi sommes trop intimes, olympique et notre relation mec. T'as même pas idée comme elle s'impose ainsi. Le temps que sonne un beat, elle me forme hautenerie. Comme un bon maître appliqué, ancré dans ma routine. Elle m'a pris sous son bras pour me faire oublier l'époque. Des sales beats tout en bois, un microphone, une cabinet. On se tape des prises de voix, les beats de barge standing. Je les mange jusqu'à la crise de fort en guise de flamme. Je me lèche les babines sur des lignes de basse, des mélodies, des sons. Toutes sortes de kicks, de snare, j'insiste pas. C'est la musique qui vient vers moi, elle m'invite tard pour l'apéro et me dit viens serre-toi. Je me rassasie comme d'hab, contre elle je parie content. Même à 10 contre 1, je la fume en rigolant. On partage les gains, sois pas fâché frère. Si HK et Doc fument plus que ce qui reste dans le sachet d'air. Ça coule, les ondes et moi, c'est l'addiction. Ça coule, quand je l'entends oui, j'ai des pulsions. Ça coule, et même me donne un sacré coup de pouce. Ça coule, de source, ça coule, de source, ça coule. Comme nos 16 meufs sur la prod. Ça coule, comme un dunk de Michael Jordan. Ça coule, on se met en place dans le secteur. Ça coule, de source, ça coule, de source. Ça coule de source, je ne garderai plus le silence. Je compterai plus les coups, une traînée d'encre. Et tu te rendras compte que c'est l'évidence. Et c'est vital, soi-disant que pour les vitales. On parle avec les mains, c'est l'héritage. Comme les rides sur ton visage, c'est bizarre. Je dis ça, vis ça, dépend d'un tir les ficelles. Pendant qu'avec morphine on excelle. Dans l'écrissage, on décrit ça par instinct. On vend pas du rêve, de la coque ou du cristal. Car ici c'est marche ou crève, inévitable. Dès le départ, à ce qui est sous terre. On déballe un thème et des rimes sincères en détail. On taille pas dans la dentelle. Faut connaître la tentation pour se laisser tenter. Pour que la chute devienne mortelle. Bordel, à l'origine je rappe pas pour la vie d'artiste. Maintenant je peux rap par thérapie. Je suis très rapide puis je tombe à pic. Et trace comme Usain Bolt en moins de 9 secondes sur la piste. Ça coule, les ondes et moi, c'est l'addiction. Ça coule, quand je l'entends oui, j'ai des pulsions. Ça coule, et même me donne un sacré coup de pouce. Ça coule, de source, ça coule, de source. Ça coule, comme nos 16 meufs sur la prod. Ça coule, comme un dunk de Michael Jordan. Ça coule, on se met en place dans le secteur. Ça coule, de source, ça coule, de source. Ça coule, car de nos jours le temps se gâte. On brave parfois les côtes puis ça coule. Comme un coup de patte, comme un bon départ. Jusqu'à morphine, on déboule et dès le départ. Ça déroule et roule des terres. Chargé en TH, c'est notre matière de base. Calé en terrasse, on paraît pas mais on est pareil qu'en TH. Map 7, combinaison qu'envoie des pastèques. La paire, qu'envoie des pailloux faire des claquettes. Et des départs, des débordés, pas de strass. Ni de paillettes, que des phrases. Porte-porte, des porte-à-porte, notre palette. Écrire ne fait pas l'être, au pire tu vois ce qui se cache sous la bête. Entre nos tirs et nos textes, entre nos titres et nos rêves, nos rires et nos peines, nos zik et nos vécus, on décuple nos vers. C'est cette force si attendue qui depuis coule dans nos veines. Si tu nous cherches, on n'est pas très loin de la galaxie d'Andromède. Ça coule, les ondes et moi, c'est l'addiction. Ça coule, quand je l'entends oui, j'ai des pulsions. Ça coule, et même me donne un sacré coup de pouce. Ça coule, de source, ça coule, de source. Ça coule, comme nos 16 meufs sur la prod. Ça coule, comme un dunk de Michael Jordan. Ça coule, on se met en place dans le secteur. Ça coule, de source, ça coule, de source.